Vous écoutez France Culture. Contre-histoire de la philosophie de Michel Onfray à l'Université populaire de Caen. Dixième année, les consciences réfractaires. Aujourd'hui, les questions des auditeurs du Centre dramatique national de Normandie à Michel Onfray. Oui, bonsoir Michel Onfray. Bonsoir. Jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, la France a été considérée comme la grande fille aînée de l'Église. La mort de Louis XVI, disons. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, bien sûr. Pour faire un parallèle, est-ce que le Parti communiste français n'aurait pas considéré l'Union soviétique un peu comme la grande fille aînée de la Révolution française et de la Commune de Paris, ce qui expliquerait sa fidélité inconditionnelle à l'égard de l'Union soviétique? Oui, vous avez raison, la mise en perspective de l'Église catholique, apostolique et romaine et puis de l'espèce d'église communiste internationale planétaire, ça a été fait assez rapidement. Moi, je renverrai à un texte de Tocqueville qui est très ancien, très intéressant, qui doit s'appeler « De l'Ancien Régime à la Révolution », qui est un texte dans lequel Tocqueville fait savoir que la Révolution française a beaucoup intégré de choses qui venaient de l'Ancien Régime, et que l'État français, par exemple, de Louis XIV, et puis l'État jacobin de Robespierre, ça reste le même État, quoi, et que cette révolution, elle n'a pas tout détruit du christianisme, et que peut-être même elle a conservé un certain nombre de schémas. C'est du moins mon hypothèse. Je pense que, vous avez raison, il y a eu des schémas particuliers. On peut imaginer, par exemple, qu'il y a eu un rapport entre Jésus et saint Paul qui est le même qu'entre Marx et Lénine. C'est-à-dire que vous avez d'un côté un penseur, un philosophe, je mets des guillemets à tout ça si vous voulez, moi je tiens pour l'idée que Jésus n'a jamais existé historiquement, que c'est une construction historique qui s'est faite dans les 3 ou 4 siècles qui ont suivi sa prétendue naissance. Donc admettons que Jésus ait existé, qu'il ait été ce philosophe que racontent les évangiles, donc un homme doux, tendre, sympathique, qui tend l'autre joue, qui pardonne les péchés, qui aime bien Marie-Madeleine, qui a le sens de l'amitié, du repas, etc. Bon, voilà, un personnage plutôt sympathique. Et puis vous avez le Christ, qui est une autre figure, le crucifié. C'est ce même homme, mais mort. Mort et ressuscité. Et cet homme ressuscité, eh bien, c'est la passion. C'est donc la crucifixion, c'est donc le sang, c'est donc la couronne d'épines, c'est donc la lance dans le flanc, c'est donc la lymphe qui coule, c'est l'éponge imbibée de vinaigre, etc., etc. Et vous avez donc deux figures, un Jésus et un Christ. Alors on peut imaginer, les chrétiens l'imaginent d'ailleurs, que Jésus c'est le Christ et que c'est la même figure, c'est vrai. Et quand cette figure-là elle existe historiquement, il y a un moment où vous avez... on dit qu'elle existe historiquement, vous avez un personnage qui, lui, s'appelle saint Paul, qui est juif, qui contribue au premier massacre du premier martyr chrétien, parce qu'il est d'abord juif, puis ensuite il se convertit, la fameuse illumination sur le chemin de Damas, qui ressemble étrangement à une crise d'hystérie. Hein. Si vous prenez un manuel de psychiatrie aujourd'hui, ce qui lui arrive, là, le moment d'aveuglement, tombe par terre, etc., ça c'est une crise d'hystérie telle que vous l'avez dans les manuels de psychiatrie. Et puis il devient... ce personnage sur laquelle l'Église va construire cette religion. Et lui, il va prélever non pas la douceur de Jésus, mais il va prélever le cadavre du Christ. Et il va nous dire, aujourd'hui, la vraie philosophie, puisque c'est quelqu'un qui veut l'abolition de la philosophie, la vraie philosophie, elle est dans l'abolition de la philosophie ancienne, celle qui aura précédé. Il faut désormais imiter le Christ. Alors si c'est imiter Jésus, c'est pas un problème. C'est être une espèce de sage à la Gandhi, un personnage qui refuserait le pouvoir tout en résistant, ce serait une espèce d'insurgé aujourd'hui. Ce serait le copain de Stéphane Hessel, si vous voulez, ce Jésus-là. Il s'indignerait, quoi. Ce serait un indigné. Et puis, saint Paul dit non, c'est l'autre qu'il faut imiter. Il faut imiter le cadavre. Il faut imiter le mort. Il faut imiter, puis après on fabrique une Vierge Marie qui est la mère de Jésus, mais en même temps qui fait un truc extraordinaire, c'est-à-dire elle est enceinte, mais elle n'a pas de relation sexuelle. Et on dit, mesdames, va falloir imiter Marie, débrouillez-vous, mais pas de relations sexuelles et faites quand même des enfants. Et donc vous avez toute la patristique, tous les pères de l'Église qui vont réfléchir sur les conditions de la chasteté, de la virginité, etc. C'est-à-dire qu'il y a un gros appareil conceptuel qui se met en place pour tâcher de faire quelque chose d'un christianisme qui n'existe pas encore, mais avec quelques textes divers et multiples, des évangiles, et un grand nombre d'évangiles, et pas seulement les quatre qu'on présente comme ceux qui sont les trois synoptiques, c'est-à-dire ceux que vous pouvez mettre face à face et qui disent la même chose, dit-on, ça veut dire ça, synoptique. Mais si vous le faites, vous voyez qu'ils ne disent pas la même chose, ou qu'ils se contredisent terriblement. Simplement, on prélève ces textes-là, on prélève les textes de Paul, c'est-à-dire les épîtres aux Corinthiens, aux Éphésiens, aux Romains, les actes des apôtres, et il arrive quelqu'un, qui est Constantin, qui a le pouvoir, et qui, lui, se convertit, et qui fait savoir que désormais, l'Empire est chrétien. On ne construit pas des empires avec des figures de douceur. On construit des empires avec des figures qui sont capables de faire couler le sang. Et le symbole de Paul, c'est le glaive, c'est l'épée. C'est le contraire de la douceur de Jésus. Et donc, quand Constantin fabrique le christianisme d'État, eh bien, le Jésus, qui n'aurait probablement pas beaucoup aimé Constantin, et qui n'aurait sûrement pas aimé l'Empire que lui et d'autres, comme Théodose, feront par la suite en son nom, eh bien, ce Jésus-là, il devient le Christ, puis une figure qui va devenir la légende telle que le christianisme le connaît, et on fabrique une civilisation. Effectivement, c'est l'homme de l'impérialisme, saint Paul. C'est l'homme qui nous dit que la circoncision des Juifs, la circoncision de la chair, il faut la dépasser, et qu'il faut maintenant la circoncision de l'âme. Et que le terrain de jeu aujourd'hui, c'est l'universel. Et ça, c'est plutôt une idée intéressante chez saint Paul. Enfin, le terrain de jeu, c'est l'universel. C'est plus la tribu particulière, genre « on est entre nous », c'est l'universel. Et avec l'universel, vous fondez l'impérialisme. Et quand saint Paul dit « tout pouvoir vient de Dieu », extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est la théocratie. C'est le principe de la théocratie. Si vous êtes le roi, ce que vous le dites au nom de Dieu. Simplement, il faut signifier que vous avez une relation particulière avec Dieu. Donc, le pont Milvius, la bataille, la victoire sur Maxence, c'est l'idée que cette victoire, il la devrait un signe qui serait apparu dans le ciel et qui serait le fameux le Christos, enfin le signe du Christ. Donc, le Christ lui aurait dit, tu vas vaincre. Il vint, il se convertit au christianisme et il convertit l'Empire au christianisme. Voilà, rapidement et schématiquement, comment on peut dire qu'à partir d'une figure de philosophe comme Jésus, via un apôtre comme saint Paul, qui est un dialecticien, un rhéteur, et un homme qui veut l'action, et qui commence l'action, et puis en arrivant jusqu'à Constantin, qui lui met le glaive au service de cette force-là, on a un christianisme paulinien, pas très soucieux de ce que fut Jésus, mais très soucieux de ce qu'aura été le Christ, la mort, l'identification de la mort, le mépris de cette vie, la célébration d'une autre vie, l'idée qu'il faudrait mourir de son vivant pour pouvoir obtenir une espèce de vie éternelle, enfin, etc. Prenez ce schéma-là. Vous voyez qu'il fonctionne assez bien sur le schéma soviétique. Vous avez d'un côté Jésus, et bien là, vous avez aussi Marx, le philosophe, l'intellectuel, le penseur, celui qui lit Hegel, qui lit toute la philosophie, qui fait une thèse de philosophie, qui devient journaliste, qui devient engagé, qui, etc., etc., qui, avec Engels, travaille, oui, voit comment fonctionnent les choses, et nous annonce une révolution à venir. Si vraiment on est marxiste, il nous le dit très précisément, Marx, il nous dit, voilà, la dialectique ne peut pas ne pas aboutir à la révolution. C'est-à-dire, en gros, laisser faire. Le mécanisme de la paupérisation fait que mécaniquement il y aura la révolution. Pourquoi faut-il que ce qui est annoncé, il faille le réaliser puisqu'il est annoncé ? Il y a une contradiction dans le fait qu'on nous dise qu'il y a une nécessité à la révolution et qu'en même temps cette nécessité ne soit pas suffisante, qu'on ait besoin de pousser un peu à la roue. Donc vous avez des gens qui poussent à la roue et qui sont les fameux révolutionnaires professionnels, par exemple Lénine. Et Lénine qui arrive et qui lit les philosophes, qui écrit des livres qui passent pour des livres de philosophie, matérialisme et empirio-criticisme, livre de Lénine, et puis des commentaires, il vous commente la différence, la thèse que Marx fait, par exemple, sur la différence de la nature entre la philosophie d'Épicure et de Démocrite. Marx commente ça, Lénine commente, Marx qui commente, dit qu'il faut plutôt préférer Démocrite à Épicure, etc. Donc on dit, voilà, un théoricien, un penseur, un intellectuel, un philosophe, et c'est aussi un homme d'action. C'est-à-dire que Lénine était à peu près l'équivalent de saint Paul ou Constantin. Ce serait un mélange de saint Paul ou de Constantin qui veut l'universel. Et à partir de ce moment-là, on voit comment la mécanique se met en place. Moi, j'ai eu à une époque les œuvres complètes de Lénine, je veux dire données parce que ça prend trop de place dans une bibliothèque, je ne sais pas, 40 volumes, et il y avait tous les écrits de Lénine, y compris les petits textes qu'on envoyait, c'était les petits bouts de papier qu'on envoyait au camarade Lénine en lui disant voilà, il y a 10 personnes dans le village qui posent problème, etc. Et Lénine écrivait, exécutez-les. Tout ça est écrit, on peut voir. Donc, avec la dialectique de Hegel, avec l'idée qu'on s'appuierait sur des grandes consciences révolutionnaires qui auraient tout vu, tout compris, etc., comme Marx et Engels, etc., on vous annonce la parousie, ce que les chrétiens appellent une parousie, une espèce de révélation qui fait que, avec l'abolition du capitalisme, vous aurez la réalisation du socialisme, du communisme, avec un bonheur absolu. Au point que le jeune Paul Nizan peut croire effectivement que peut-être on ne va plus penser de la même manière. Il y a cette phrase chez Marx, hein, j'en ai un peu fait rapidement l'analyse déjà, mais Marx dit « l'infrastructure économique conditionne la superstructure idéologique ». L'infrastructure économique conditionne la superstructure idéologique. L'infrastructure économique, ce sont les modalités de production dans une civilisation. Propriété privée, des moyens de production. C'est-à-dire que les machines appartiennent à des patrons et les ouvriers sont des salariés de ce patron, propriété privée, infrastructure économique. Eh bien, cette modalité dans la civilisation, elle génère la superstructure. Et dans la superstructure, vous avez la religion, les beaux-arts, la pensée, la philosophie, etc. C'est-à-dire que quand Nizan pense qu'en Union soviétique, peut-être on ne meurt pas pareillement, peut-être on ne pense plus la mort pareillement, c'est parce qu'il souscrit à cette idée de Marx que l'infrastructure économique conditionne la superstructure idéologique. La pensée de la mort, la crainte que nous avons de la mort, dans une logique bêtement marxiste, elle procède des conditions historiques dans lesquelles nous nous trouvons, donc les conditions de production capitaliste, propriété privée des moyens de production. Donc tout bêtement, si vous changez ça, on en finit avec le capitalisme, on réalise le communisme, eh bien vous changez l'infrastructure, vous modifiez la superstructure. Ça veut dire qu'on ne va plus penser pareillement, on ne va plus réfléchir pareillement, on ne va plus peindre pareillement, on ne va plus composer pareillement, on n'écrira plus les mêmes poèmes, on n'abordera plus les questions essentielles de la même manière. Donc c'est un dommage collatéral, je dirais, chez Paul Nizan, de croire que l'Union soviétique, en tant qu'elle réaliserait ou qu'elle se proposerait de réaliser le communisme, réaliserait en même temps une révolution existentielle qui permettrait de voir la mort autrement. On n'aurait plus peur de mourir, croit Nizan. Un certain nombre de gens ont souscrit à ce genre d'idéologie, parce qu'il y a un moment donné où on vous propose comme ça, clé en main, une idéologie où on vous explique que toutes vos questions ont une réponse, et que la réponse, elle est toujours marxiste-léniniste, la photocapitalisme, la photocapitale, mais ça n'est qu'un temps, demain il y aura le socialisme, ce sera extraordinaire, ce sera merveilleux. À ce moment-là, vous invitez les gens à renoncer à leur esprit critique. Vous proposez une foi, vous proposez des actes de croyance, les actes de foi. L'acte de foi suppose le renoncement à l'intelligence, à la raison. On n'a plus besoin de raisonner, il suffit d'obéir. Et la religion, elle est ainsi faite. Donc vous avez des gens qui vous disent ce qu'il faut croire, ce qu'il faut penser. Vous avez des conciles dans l'Église où on vous dit, voilà, on va trancher. Il y a un problème. Est-ce que le Christ est une figure réelle? Est-ce que c'est une figure symbolique? Est-ce qu'il a vraiment existé? Est-ce qu'il est vraiment mort sur la croix? Il y a des gens qui nous disaient à l'époque qu'il avait envoyé quelqu'un d'autre et qu'il n'était pas mort. Et que donc il y a eu un tas de querelles et on a créé ces instances qui étaient les conciles où on décidait que la théorie c'était ça et ce ne serait pas autre chose. Donc on invente des choses, on arrête des idées en disant, voilà, sur la question, on a parlé de l'arianisme, par exemple, parce qu'il y avait avec Arien un personnage qui pensait qu'on ne pouvait pas défendre la question du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de la Sainte Trinité. S'il y a un Père et qu'il y a un Fils, par définition, le Père est avant le Fils. On n'a jamais vu, en toute bonne intelligence et en toute bonne raison. Si vous êtes un Fils, vous êtes secondaire. Si vous êtes Père, vous êtes primaire. Vous êtes le premier, le Fils arrive après. Donc, dans le Saint-Esprit, il y aurait donc le Père, puis le Fils, puis le Saint-Esprit. Alors, il faut expliquer que oui, mais non. C'est trois choses, mais c'est la même chose. Ou alors que, etc. Donc, vous avez des conciles, des débats, c'est à n'en plus finir. Et puis, c'est politique. Vous avez des évêques qui viennent d'un petit peu partout. C'est une occasion d'avoir les pleins pouvoirs sur une terre, sur une région, d'avoir peut-être de l'avancement dans l'Église, etc. Puis, on décide que, hop, sur la querelle de l'arianisme, etc. Et il y a eu un nombre incroyable de conciles, il y en a encore aujourd'hui, qui décident de préservatif, oui ou non, par exemple. Eh bien, il a été décidé que pas de préservatif. Allez chercher chez Jésus, il s'en fout, Jésus, de préservatif. Il n'y a rien dans les évangiles où Jésus nous ait dit, par exemple, jamais de capote. Jamais. Il n'a rien dit non plus sur l'énergie nucléaire et la bombe atomique, et pour cause. Il y a plein de choses sur lesquelles Jésus ne s'est pas exprimé. Eh bien, les conciles s'expriment à sa place, en disant eh « ben, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça on fait pas », etc. Et vous avez exactement la même chose avec les congrès aux partis, où on tranche des points de doctrine. Vous avez des gens qui avancent des idées, d'autres qui en avancent d'autres, et puis eh bien, c'est une occasion de prendre du pouvoir dans l'appareil, etc. etc. Donc les points de doctrine se discutent comme ça, et vous pouvez, vous, à la base, croyant fidèle, vous dire, mais moi j'attends que ces gens, illuminés par l'Esprit Saint du marxisme-léninisme, puissent me dire ce qu'il faudra que je pense. Et certains ont dit, on verra avec la question du pacte germano-soviétique, le jour où Staline dit, allez hop, on s'associe avec Adolf Hitler, certains communistes français ont dit, Staline l'a dit, il a ses raisons, je ne connais pas les raisons, je crois parce que c'est absurde, disait Tertullien, il a sûrement ses raisons, je ne les connais pas, je ne les comprends pas, mais si c'est Staline, il a décidé, donc il a de bonnes raisons. Moi, je soutiens le pacte germano-soviétique. Et puis, vous avez des communistes qui ont dit, ben, peut-être pas quand même, quoi. Ça fait un petit moment qu'on est dans le combat antifasciste, on ne va tout de même pas s'associer avec des fascistes, ou alors on n'est plus dans le combat antifasciste. C'est-à-dire des gens qui n'avaient pas renoncé à la raison. On est tous dans cette configuration psychologique bien distinguée par Stanley Milgram, dans une expérience que vous connaissez probablement pour avoir vu I comme Icar, ce film dans lequel on voit Yves Montand transformé en héros de ce film, où l'expérience de Stanley Milgram est une expérience qui a vraiment eu lieu. C'est une expérience de résistance à l'autorité, où on a passé des petites annonces dans un journal en disant, voilà, un laboratoire de psychologie sociale, donc l'institution, l'université, propose à des jeunes étudiants un peu d'argent pour une expérience de psychologie sociale. Donc il y a des gens qui viennent, à qui on explique que c'est une analyse qui va être faite, une étude qui va être menée sur le phénomène de l'apprentissage. Et on vous dit, voilà, vous allez être branché sur une chaise vaguement électrique, et puis il y a quelqu'un qui va vous poser des questions, et puis vous allez donner des réponses, et il va falloir associer des couples de mots comme ça, et quand on va vous donner un mot, vous allez en donner un autre, et puis si vous n'avez pas bien mémorisé, alors on vous enverra une petite décharge d'électricité, et puis au fur et à mesure, il y aura des décharges d'électricité peut-être un peu plus importantes, et puis voilà, bon, expérience de psychologie sociale, pourquoi pas, les conditions de l'apprentissage, la question de la discipline, la question de la punition, après tout, pourquoi pas. Et donc on fait tirer au sort les gens qui sont là et on dit « Ah ben vous allez poser des questions, puis vous allez répondre. » quoi. Et alors on installe des gens et il y a quelqu'un qui est derrière un pupitre et qui balance de l'électricité au fur et à mesure que le personnage a mal compris ou mal associé. On lui a dit « ciel bleu », par exemple, on lui a dit « je sais pas, herbe verte », etc. Donc ça va bien, puis à un moment il commence à ne plus trouver, alors on balance un peu d'électricité, puis à un moment donné on remet de l'électricité un petit peu plus, etc. Et puis à un moment donné, on fait savoir qu'à chaque fois, les doses sont de plus en plus importantes et qu'il y a un moment donné où ça va devenir problématique quoi, pour la santé de la personne interrogée. Et il y a toujours ce personnage qui est là, présent, blouse blanche, l'institution qui est là, l'université. Et puis il y a des gens qui acceptent le jeu. Déjà, tous, au départ, disent « bah oui, on y va, quoi. On y va pour cette expérience ». Et puis, il y a un moment donné où on voit des gens qui s'effondrent sur le siège et qui sont complètement inconscients. Et alors, le type se retourne derrière lui, le personnage qui a la blouse blanche, je fais quoi ? Et l'autre lui dit, allez-y. Donc l'institution couvre, hop, l'autre il balance l'électricité, il sait que ça peut être mortel. Je ne vais pas rentrer dans le détail du film, mais il y a un moment donné où le type dit, moi je ne peux plus, ce n'est pas possible, moi j'arrête ce truc-là. Quoi. Et où on lui explique que celui qui reçoit les décharges électriques ne les reçoit pas, il simule. Qu'au moment où on a donné les papiers en disant ben « vous allez être là, puis vous allez être là », finalement, c'était faux, que le personnage qui va faire l'étude, eh bien, il va balancer l'électricité, parce que celui qui est censé la recevoir ne la reçoit pas. Il simule les décharges électriques qu'il reçoit. Et l'étude de psychologie sociale n'est pas là pour vous apprendre ce qu'il en est de l'apprentissage et des conditions de l'apprentissage, elle est là pour voir quelle est votre dose de résistance au pouvoir, à la domination, à l'autorité. Vous avez des gens qui, dès le départ, disent « moi, je ne fais pas ce truc-là. Moi, je ne fais pas, je n'ai pas envie de balancer d'électricité, même si ce n'est pas, si c'est pas dangereux ou toxique, je ne veux pas faire ce truc-là. » Et puis, il y a des gens qui acceptent. Et puis, il y a des gens qui, à un moment, s'arrêtent. En disant, non, je ne peux pas faire ça, ça va, là, ça suffit, j'arrête, gardez votre argent. Et il y a des gens qui vont jusqu'au bout. Tout le monde dans cette salle, se retrouvant dans cette configuration-là, soit dirait non au départ, soit irait jusqu'au bout, soit s'arrêterait à un moment donné. Parce qu'il y a des gens qui résistent et qui disent « ah non, là, je ne peux plus. Là, j'ai ma conscience, j'ai ma raison, j'ai mon intelligence, j'ai ma dignité, ça, je ne peux plus. J'ai accepté jusqu'ici, voilà. » Et dans le film, il y a quelqu'un qui dit « Ouais, mais c'est insupportable. » Justement, Yves Montand, et l'autre dit « Oui, mais vous avez fait quoi ? Vous avez laissé faire, vous étiez derrière la vitre. Et quand est-ce que vous vous êtes énervé ? Ben, vous, vous seriez arrêté là, quoi. Mais vous seriez allé jusqu'ici. » Ce qui veut dire, parenthèse fermée, que nous avons des résistances différentes, les uns les autres, à l'endroit du pouvoir. Il y a des gens qui veulent obéir, qui jouissent d'obéir, qui sont contents d'obéir, qui sont contents de renoncer à eux-mêmes. Et qui sont des défenseurs de l'autorité, de l'ordre, de la hiérarchie. Il y a quelqu'un en dessous, il y a quelqu'un au-dessus. Moi, j'ai rien fait, j'ai juste obéi. On m'a dit de faire ça, moi, je n'ai fait que ça. Et les dictatures, elles ne fonctionnent qu'avec ces gens-là. Des gens qui disent, moi, je n'ai fait qu'obéir, je suis responsable de rien. Et on en a juste un au sommet, genre Adolf Hitler, c'est donc, bon, il s'est suicidé, l'affaire est réglée, il n'y a plus aucun coupable. Voyez, voyez Eichmann, je me suis contenté d'obéir. Bien, il y a, dans ces idéologies-là, quelque chose qui a à voir avec l'expérience de Stanley Milgram. Vous avez des gens qui ont une espèce de jouissance dans l'obéissance et des gens qui ont une intolérance à l'obéissance. Et les configurations historiques étant ce qu'elles sont, il y a des moments où, malheureusement, dans les régimes totalitaires, dans les régimes dictatoriaux, tyranniques, etc., eh bien, vous avez parfois, pour certains, la possibilité de manifester cette jouissance dans l'exercice du pouvoir, à la place qui est la vôtre. Et il y a, dans la souscription à un certain nombre d'idéologies, et notamment les idéologies totalitaires, cette espèce d'obéissance. Paul Nizan est un personnage qui, effectivement, a poussé le curseur. Il a plusieurs fois poussé le curseur. Et il y a juste un moment, ça s'est appelé le pacte germano-soviétique, où il a dit « je ne pousse plus le curseur, ça s'arrête là ». Et puis d'autres ont dit « dès le départ, moi, j'y vais pas, ça marche pas ». Et un André Gide, par exemple, était beaucoup plus tôt. Très en amont sur le curseur, puisque lui, il souscrit dès le départ, et je vous dis, en 1932, il est prêt à donner sa personne pour que survive l'Union soviétique, et en 1936, il écrit « Retour de l'URSS », en 1937, ses fameuses retouches, et puis lui dit « Moi, c'est pas possible, on arrête, là ». Donc, réfléchissez à cette expérience de Stanley Milgram, regardez où chacun en est sur ce terrain-là, et il y a eu effectivement, dans l'Église catholique, apostolique et romaine, des gens qui ont fait fonctionner l'Inquisition, des gens qui ont allumé des bûchers, des gens qui ont poursuivi des sorcières, des prétendues sorcières, et massacré des sorcières, ou massacré des prétendues hérétiques, etc., etc. Ça a marché avec les fascismes européens, ça a marché avec les fascismes rouges des pays de l'Est, ça a marché dans toutes ces tyrannies d'Afrique du Nord qui sont tombées avec le printemps arabe, où vous aviez effectivement des tortionnaires, des gens qui obéissaient, des gens qui souscrivaient au pouvoir. Il y avait des avantages en même temps. On a des avantages, bien sûr. Là, dans l'expérience de Stanley Milgram, vous êtes payé, vous avez un petit peu d'argent. Bah, là, vous avez un statut social. Dans l'Union soviétique, vous aviez les voitures, les bâtiments. Paul Torres raconte qu'il y avait des quartiers gardés par les militaires, interdits à quiconque n'était pas un apparatchik. Et tous ces gens-là vivaient à l'occidental avec justement les produits de chez Fauchon qui étaient apportés à disposition, etc. Donc vous êtes payé en symbolique, vous avez un grade, vous avez un pouvoir, vous avez une voiture, vous avez une visibilité aux yeux des autres, vous avez du pouvoir, donc vous fascinez, vous êtes dans la logique du mal dominant. Et la jouissance d'être un mal dominant dans un dispositif que vous entretenez fait que vous entretenez le dispositif qui vous entretient. Et vous avez, dans les logiques religieuses, un mécanisme qui fonctionne comme ça. La curie, les cardinaux, etc. Enfin, les gens qui ont tous envie d'être pape, quoi. Ils sont tous dans une prétendue humilité, mais ils ont tous envie d'y aller, dans la papa mobile. Eh bien, c'est la même chose dans tous les pouvoirs. Donc, il y a des configurations comme ça qui sont douées pour l'obéissance, qui jouissent d'obéir. Et les gens qui jouissent d'obéir sont des gens qui, la plupart du temps, jouissent de faire obéir les autres. Regardez Dutch, là, ou Ritipan, qui vient de faire un livre magnifique sur la question du génocide cambodgien. Comment ça marche ? Comment ce type, qui est francophile, qui est amateur de poésie, qui connaît des poèmes de Vigny par cœur, peut massacrer des milliers de gens, 14 000 morts de sa propre main, de sa propre responsabilité ? Pourquoi il y a eu le Rwanda ? Pourquoi est-ce qu'il y a eu des génocides, ou le génocide arménien, etc., etc. ? Parce qu'il y a des gens qui jouissent de se soumettre, qui jouissent d'obéir, qui jouissent de pouvoir être dans la position du personnage à qui on dira « renonce à toi-même, contente-toi d'être ce que je te demanderai d'être ». Il y a des gens dont la structure psychique est ainsi faite que leur bonheur est dans l'obéissance, et d'autres pas. Donc évidemment, comment est-ce qu'on en arrive à ça ? C'est difficile, l'expérience de Stanley Milgram montre qui on est, mais elle ne montre pas comment on le devient. et comment on le devient. Après, là, pour le coup, il faudrait une psychologie, la fameuse psychologie concrète de Politzer, hein, sûrement pas la psychanalyse, parce qu'on y aurait toujours le désir de sodomiser son père et de coucher avec sa mère, enfin, donc, si on était freudien. Mais dans la logique de la psychologie concrète de Politzer, on verrait bien comment les structures religieuses, fussent-elles politiques, sont des structures qui rendent possible cette jouissance, pour certains, de l'exercice du pouvoir, et quel que soit le pouvoir. Donc effectivement, les religions, la politique, mais aussi les petits pouvoirs que sont les pouvoirs intellectuels, que sont les pouvoirs... nous ne sommes que des animaux. Bien que nous ayons un néocortex, le cerveau reptilien fait toujours la loi, et le cerveau reptilien est toujours dans ces logiques-là. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment s'éteint le néocortex de Paul Nizan au moment où fonctionne le cerveau reptilien. Mais on se dit qu'il ne peut pas y avoir une rupture aussi nette, aussi franche, entre cortex, néocortex et cerveau reptilien. Chez Gide, ça marche comme ça. Ça marche bien. C'est-à-dire qu'il y a un pont et le personnage qui sent, qui voit, qui ressent, le cerveau du serpent, je dirais, qui est resté en nous, ce cerveau du serpent voit bien les choses telles qu'elles sont, et le néocortex donne des mots, nomme, formule, etc., etc. Et il y a ce texte de Gide qui dit « n'obéissez pas, refusez ça ». Et puis d'autres qui jouissent. Je renvoie à la biographie de Wieworka, on voit bien quels intérêts les cadres du Parti communiste français avaient à défendre l'idéologie communiste. Des intérêts qui n'avaient rien à voir avec le prolétariat français, qu'on a grugé. On a grugé les ouvriers qui ont cru, qui ont vendu l'humain, qui payaient leurs cartes, qui allaient dans les réunions de cellules et qui croyaient effectivement qu'un jour l'humanité serait meilleure pour elle et qui ont été des victimes, victimes du capitalisme, mais en même temps victimes d'un communisme qui se moquait d'eux d'une certaine manière. Voilà pourquoi il me semble que la pensée libertaire a de l'avenir. Les libertaires sont des gens qui savent que le pouvoir corrompt. Quand Alain disait « le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument », il était dans cet esprit libertaire. Il faut se méfier du pouvoir, de tous les pouvoirs. Et il faut organiser des contre-pouvoirs. Et il faut organiser des contre-pouvoirs aux contre-pouvoirs aussi, en sachant très bien que c'est le triomphe du cortex que de faire fonctionner l'intelligence et la raison, là où le néocortex fait toujours, a priori, la loi. On s'est un peu éloigné peut-être de Constantin, mais pas tant que ça, parce que je pense que ces configurations-là, je renvoie à la peste de Camus, hein, c'est-à-dire elles ont lieu et elles auront lieu. Quand Camus dit la peste, c'est pas fini. Hein, quand la peste est finie, ça ne demande qu'à recommencer. Et de fait, toutes ces configurations-là, elles sont toujours là, stagnantes, prêtes à repartir, parce qu'il y a toujours des structures qui aiment le pouvoir, qui aiment la domination, qui aiment imposer, s'imposer, qui aime la logique du chef de bande, du chef de meute, la logique du mal dominant, qui va mettre son petit pipi, son petit caca, parce que quand il a marqué avec ses matières fécales, il a généré un espace, et c'est un espace qu'il contrôle. Regardez autour de vous, il y a plein de gens qui symboliquement font leur petit pipi partout, comme ça, délimitent un territoire, et si vous voulez rentrer dans ce territoire, il faut montrer des marques d'allégeance. J'allais dire la queue entre les jambes, ce serait malvenu, c'est pas le bon mot, mais je veux dire, pour les chats, par exemple, c'est le cas. Moi, je vois bien, regardant mon petit jardin, comment effectivement il y a des postures de mâle dominant, des postures de mâle dominé, des femelles dominantes qui sont souvent les femelles du mâle dominant, et puis qui sont convoitées par les mâles dominés qui, eux, ont envie, en gros, de se faire symboliquement le mâle dominant en se faisant réellement la femelle du mâle dominant, etc. L'éthologie fait la loi. Toujours. Et elle fera toujours la loi. Je veux dire, ainsi soit-il, mais oui. Bonsoir. Suite à l'écoute de votre exposé sur Paul Nizan, en fait, moi, je comprends que l'angoisse de la mort chez Nizan fait qu'il se réfugie chez Épicure à la fin de sa carrière, qui a été courte. Après, est-ce qu'il est réaliste au XXe siècle de penser l'épicurisme comme une solution à des problèmes globaux? Moi, je vois Épicure comme une solution de vie individuelle, voire étendue à la communauté, mais qui reste quand même assez restreinte. Après, est-ce qu'il est possible de penser l'épicurisme aujourd'hui comme une philosophie politique en réponse à des problèmes globaux? Ou à une solution à des problèmes globaux? La réponse est oui. On a très peu dit de choses sur, sur la politique d'Épicure et des épicuriens ou de l'épicurisme. D'abord parce que je vous disais que les textes avaient été détruits, sciemment ou par le temps aussi, et que on a souvent, et ça m'a toujours sidéré, mais pas mal de professeurs, de gens, pourtant qui théoriquement ne manquaient pas d'intelligence, nous disaient, par exemple, Diogène n'a rien écrit. C'est pas vrai, Diogène a beaucoup écrit, simplement il est rien resté. Donc il faut pas croire que parce qu'il ne nous reste rien de Diogène, Diogène se serait contenté de parler ou de vociférer ou de se masturber sur la place publique. Ils ont écrit, ces philosophes-là. Et Épicure a écrit sur la politique. Il y avait un traité sur la royauté. Donc il ne faut pas imaginer que chez les épicuriens, le souci politique n'existait pas et qu'il n'y a eu qu'un souci égocentrique ou égocentré du genre « on ne peut plus rien, le bateau coule », métaphore du Titanic, « il ne nous reste plus qu'une seule chose, c'est jouer du violon sur la passerelle en attendant que ça coule, en buvant du champagne ». Quoi. Ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. Je pense qu'il y a un moment dans l'épicurisme, et ça je l'avais vu un petit peu en travaillant Diogène de Nanda ou des épicuriens un peu tardifs, ils défendent la monarchie. Alors on se dit, la monarchie, nous on a notre vieux complexe républicain, quand on pense monarchie, on pense à Louis XIV, on a du mal à penser ce que ça peut signifier monarchie à l'époque antique. C'est le pouvoir d'un seul, seulement. Et c'est plus facile, nous disent les épicuriens, de transformer en philosophe un seul qu'éventuellement une assemblée, une totalité, un groupe ou un peuple. Et ce que proposaient les philosophes épicuriens sur le terrain de la politique, ce qu'on appellera pour le coup la grande politique, c'est l'ataraxie aussi, c'est-à-dire l'absence de trouble. Et donc ce qui fonctionne pour l'individu, pour le corps individuel, ça fonctionne aussi pour le corps social. C'est-à-dire que les épicuriens nous disent ce que veut un peuple, c'est quoi ? C'est boire quand il a soif, manger quand il a faim. C'est éviter tout ce qui pourrait être considéré comme un trouble. Donc que l'État puisse, ou la monarchie, ou la cité, ou la forme politique de cette époque-là, puisse lui permettre la tranquillité, la vie philosophique. Ce que demande le philosophe épicurien, c'est que le prince qui le gouverne lui permette de mener une vie philosophique. Un sage en même temps, il nous faudrait un sage philosophe qui comprendrait que individuellement on doit pouvoir mener sa vie philosophique, mais que l'État, permettez l'usage de ce terme-là pour signifier les formes politiques de cette époque-là, mais que l'État puisse garantir le bonheur, la sécurité des citoyens. C'est ce que les matérialistes français du XVIIIe reprendront. C'est ce qu'on trouve dans une belle formule de Maupertuis, qui a inventé l'utilitarisme, et les anglo-saxons s'en sont emparés, et nous, on a tourné le dos malheureusement à cette grande et belle philosophie, mais il s'agit de réaliser le plus grand bonheur du plus grand nombre possible. C'est la proposition épicurienne a priori. Donc, on peut imaginer que la grande politique puisse réaliser ça. Simplement, la grande politique, elle est faite par des fauves, par des gens qui sont le contraire de philosophes, par des gens qui sont des individus, et voir ou revoir le prince de Machiavel, qui sont plutôt sur le registre du renard pour la ruse ou du lion pour la force. La grande question du prince, des principautés, si on veut traduire vraiment de Machiavel, mais elle est très simple. Il y a deux questions dans Le Prince de Machiavel. Et la première question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour parvenir au pouvoir ? Réponse, tout. Deuxième question, quand on est au pouvoir, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'y maintenir ? Réponse, tout. Voilà, comme ça, c'est clair. Après, on rentre dans le détail. Et puis, effectivement, usez de la ruse du renard, usez de la force du lion, sachez faire ce qu'il faut pour ça, mais voilà. Le but de la politique, c'est la prise du pouvoir. Et quand le pouvoir est pris, c'est de s'y maintenir. Ça, c'est la lecture du prince. On peut imaginer que les Descartes de Tite-Live, les commentaires de Machiavel disent autre chose. On ne va pas rentrer dans ce détail-là. Toujours est-il qu'il y a une espèce d'antinomie entre la proposition philosophique en matière de politique et la proposition politique en matière de politique. On le voit bien aujourd'hui. D'ailleurs, on a des gens qui ont décidé que, après tout, l'important, c'était d'aller au pouvoir, d'obtenir le pouvoir. C'est pas, contrairement à ce qu'ils disent, le bien de la nation, le souci du peuple, l'intérêt général. Dès qu'ils parlent d'intérêt général, c'est qu'ils veulent nous avoir et qu'ils ont un tube de vaseline dans la main aujourd'hui, vous le savez. Quand on parle de nation, quand on parle de république, quand on parle d'intérêt général, quand on sait bien que c'est fait pour exactement défendre l'inverse et que ce qui intéresse les gens qui nous parlent d'intérêt général aujourd'hui, c'est leur intérêt personnel. Donc on demande les sondeurs, on demande les sondages, on demande les conseillers, on va voir avec des gens qui vendent des chaussettes pour essayer de vendre une image, on demande à Séguéla de faire des présidents ou de les défaire, ou etc., etc. Donc on sait bien aujourd'hui qu'il y a une espèce de fatigue à s'occuper de la grande politique, parce qu'on voit bien qu'elle ne produira jamais d'effet. Et que si on est un tant soit peu lucide, on voit bien, l'histoire l'a montré, C'est une cage avec des grands fauves qui sont là parce qu'ils veulent jouir du pouvoir, ils prennent le peuple en otage, ils prennent la République en otage, ils prennent le bonheur des citoyens en otage, et que ce qui les intéresse, c'est de jouir du pouvoir et de la puissance. Qu'est-ce qu'on fait quand on a constaté ça et qu'on était philosophe ? On peut toujours dire « fabriquons une utopie supplémentaire ». Après tout, rien n'interdit de faire une république de Platon, rien n'interdit de faire une utopie de Thomas More, rien n'interdit de faire un voyage en Icarie de Cabé, rien n'interdit de faire ce qu'on voudra. Une espèce de vision du monde en disant « voilà, moi je propose un idéal, puis on se bat pour cet idéal-là ». En faisant fi de ce que sont les hommes. Ce que faisait Machiavel était intéressant parce que ça partait d'une anthropologie. Machiavel, il dit « bon, on peut considérer qu'effectivement les hommes sont ce qu'ils sont, et puis on peut aussi imaginer que les hommes devraient être ce qu'ils sont ». C'est le vieux débat Racine-Corneille. Est-ce qu'on fait de la politique avec les hommes comme ils devraient être, ou est-ce qu'on fait de la politique avec les hommes comme ils sont ? Machiavel dit « il faut faire de la politique avec les hommes comme ils sont ». Et puis les utopistes disent « il faudrait faire de la politique avec les hommes comme ils devraient être ». Et là, on a le vieux fantasme rousseauiste du « yaka ». On supprime la propriété privée, puisqu'on a identifié le mal, c'est la propriété privée. Le jour où on abolit la propriété privée, on réalise le contrat social, qui, etc. Et d'un seul coup, c'est le bonheur au bout du champ, ou dans le champ, pour le coup. On peut être déçu de ces choses-là en disant « ça va, j'ai assez vécu, j'ai assez vu, je connais un peu l'histoire, j'ai regardé autour de moi, ça ne marche pas ». Et vouloir faire de la politique autrement. Ce que fait Épicure, c'est ça. C'est quelque chose qui existe au travers des âges. Je parlais tout à l'heure d'une expression de Descartes. Je ne sais plus si c'est dans les méditations, dans le discours de la méthode. Je crois que c'est dans le discours de la méthode où Descartes dit « il faut choisir entre se changer ou changer l'ordre du monde ». Et d'aucuns disent « oui, mais enfin, se changer, c'est aussi changer l'ordre du monde ». Après tout, pourquoi est-ce qu'on opposerait ? Il y aurait donc ceux qui diraient « voilà, moi, je ne me change pas, mais je change l'ordre du monde », ou ceux qui diraient l'inverse. On peut considérer qu'après tout, la solution, elle est immanente. Elle part du sol. Elle ne part pas d'en haut avec une formule qu'on imposerait en disant « voilà, on a pensé pour vous une république, une utopie, une Icarie, une société sans classe, etc. » Mais on fait avec les hommes comme ils sont et on fabrique des communautés joyeuses, heureuses ou pas malheureuses. Ce que dit Camus, le problème aujourd'hui, ce n'est pas de faire, c'est de ne pas défaire ce qui existe déjà. Et cette formule-là, elle a existé au travers des âges. On peut imaginer que le jardin épicurien est une formule, que le cynosarge cynique en est une aussi, c'est-à-dire c'est la micro-communauté. Jusqu'à mai 68 ou après mai 68, les communautés qui ont été vécues par des gens qui disaient « bon, on ne va pas attendre la révolution, on l'a fait ». Et on se met dans une ferme, un corps de ferme, un village ou je ne sais quoi, et puis d'un seul coup, on se dit « bon, ben voilà, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de pouvoir, il n'y a plus de jalousie, tous les corps appartiennent à tout le monde ». Shit, pétard, etc. Enfin bon, on a vu ce qu'étaient ces communautés-là, qui consistaient à dire peut-être qu'on peut changer le capitalisme, peut-être qu'on peut l'abolir, peut-être qu'on peut faire la révolution, peut-être que le communisme, etc. Mais c'est loin demain. Et demain, on rase gratis et on a des barres blondes comme ça, parce que demain, c'est jamais aujourd'hui. Et puis on peut vouloir, ici et maintenant, une société dans laquelle on dira, bah, après tout, incarnons les principes auxquels nous croyons. Et il y a eu des anarchistes au XIXe siècle qui ont célébré ce qu'on appelle les mouvements libres. Et ces mouvements libres, c'était des communautés dans lesquelles on disait « on va fabriquer une micro-république libertaire ». Pas d'argent, pas de pouvoir, pas de puissance, pas d'asservissement, pas de séparation entre le travail manuel et le travail intellectuel, pas de gens qui travailleraient pour en exploiter d'autres, pas de gens qui seraient attachés à des tâches, et, par exemple faire la vaisselle, la cuisine, etc., alors que d'autres en feraient d'autres qui consisteraient à me couper du bois ou ce genre de choses, tout le monde, etc. On fabrique des communautés et d'une certaine manière, c'est une révolution concrète. Regardez ce que proposent des gens comme, plus près de nous, comme Deleuze, comme Guattari ou comme Foucault. Ce sont des gens qui ont cru, pour la plupart, dans le communisme, sens large du terme. Parti communiste français pour certains, les formules diverses, trotskisme, maoïsme, etc. Et puis ils en sont tous revenus de ça. D'abord parce que certains ont constaté vite qu'il y avait des goulags, des camps, des barbelés, et que ce n'était pas défendable. Et on a vu les trajets d'un Glucksmann qui écrit en mai 68 qu'il faut pendre le dernier des bourgeois avec la tribu du dernier curé, en reprenant une expression de Jean Mélier, et qui se retrouve jadis, il y a 5 ans, à dire qu'il votait Nicolas Sarkozy. Des trajets particuliers, quoi. Et puis d'autres qui avaient envie d'autre chose. Et ces philosophes dont j'ai parlé, Guattari, Foucault, Deleuze, etc., ils proposent une formule épicurienne, qui est la formule des micro-résistances. Les marxistes ont toujours cru que le pouvoir, c'était le pouvoir d'État, et qu'il fallait s'emparer du pouvoir d'État. Donc il y avait une stratégie du coup d'État, genre technique du coup d'État de Malaparte, d'une certaine manière, où on vous expliquait comment on faisait la révolution. Donc on s'empare des centres stratégiques, etc., etc. Et on faisait la révolution. Mais on obtenait quoi ? On n'obtenait rien. On obtenait, si, on remplaçait la police d'hier par la police d'aujourd'hui. Et parfois, c'était la même police. Et donc, on a vu que ça ne fonctionnait pas, ce genre de révolution. Qu'est-ce qu'ont proposé ces individus-là ? Une autre lecture du pouvoir. Ce que dit Foucault dans « Surveiller et punir », par exemple, en 1975, c'est que l'analyse marxiste du pouvoir, elle est fausse. Le pouvoir n'est pas que dans les appareils idéologiques d'État, AIE, pour le dire dans la formule d'Althusser, mais le pouvoir est partout. Le pouvoir est partout. Et on le verra avec Simone de Beauvoir. Qu'est-ce que c'est que l'exploitation des femmes ? Ce n'est pas l'exploitation comme ça en l'air, des femmes avec un F majuscule. Non, l'exploitation des femmes, c'est que pense naturellement que les femmes, elles doivent faire des enfants, qu'elles doivent faire plusieurs journées en une, qu'elles doivent laver les enfants, les lever, les emmener à l'école, qu'elles doivent faire la cuisine, la vaisselle, le ménage, que ça fait partie de... C'est comme ça depuis toujours, et que les hommes sont faits pour décapsuler des bières et regarder des matchs de foot à la télévision pendant ce temps-là. Et donc, soit on a une grande lecture, à l'école normale supérieure, si vous voulez, sur l'exploitation, sur l'aliénation, sur la domination, sur les stratégies de servitude ou de domination, on peut raconter tout ça, mais on peut aussi dire concrètement, non, c'est ça, c'est de se prendre des gifles de temps en temps, parce que voilà, c'est de se faire violer, parce qu'on a un mari qui a dit, bon, ouais, oh, ça va, hein, et puis voilà. Donc on est à ce moment-là sur des terrains extrêmement concrets, et le pouvoir étant partout, le fascisme est partout. Le fascisme, c'est pas seulement des casernes ou des chars dans la rue. Le fascisme, c'est un homme qui va regarder tranquillement le match de foot pendant que sa femme fera la vaisselle parce que c'est normal. Et ça, c'est donc un micro-fascisme, disent les philosophes de cette époque-là. Et ce micro-fascisme, on ne le résout pas en faisant la révolution. On pouvait très bien faire la révolution et vous retrouver dans la même position. La révolution est faite, mais c'est toujours vous qui regardez la télé et c'est toujours elle qui fait la vaisselle. Quand Georges Marchais dit, je ne sais plus comment s'appelait sa femme, mais dans le genre Georges, Liliane fait les valises, on a la quintessence d'un micro-fascisme misogyne et phallocrate. Ben, Jean Toc, le représentant du PC, dit à sa femme, fais les valises. Il n'est pas question que Georges les fasse, lui. Donc on se dit, effectivement, ça a changé, c'est pas exactement la même chose. Effectivement, les micro-pouvoirs peuvent générer des micro-résistances partout, mais c'est nettement plus intéressant. Parce qu'on ne va pas se défausser sur le futur en disant « demain, quand on aura fait la révolution, je t'aiderai à faire la vaisselle ». On ne va pas dire « après-demain, quand la révolution aura lieu, on n'exploitera plus ceci, cela, etc. ». Non, c'est ici et maintenant que la révolution doit se faire. Et si chacun fait ce qu'il doit faire sur ce terrain-là, par exemple, un féministe devrait dire « ben voilà, il y a des choses que je fais ». Des choses que je ne fais pas. Il y a des choses que je faisais et que je ne fais plus. Donc cette révolution-là, elle se fait ici et maintenant. C'est une micro-résistance. Et ces micro-résistances-là sont des politiques considérables. Génèrent des politiques considérables, me semble-t-il. J'ai appelé ça, moi, pour ma part, le principe de Gulliver. On a tous lu ou vu le voyage de Gulliver de Swift et le grand géant Gulliver qui, lui, se retrouve sur la plage à raisonner avec plein de petits fils que les Lilliputiens ont réussi à tisser pour l'enserrer. Évidemment, si vous avez un Lilliputien avec un fil qui essaie d'arrêter à la patte Gulliver, ça ne marchera pas. Mais si vous avez une multiplication des liens de Gulliver, j'ai appelé ça donc le principe de Gulliver, alors à ce moment-là, les petits... Les sans-grades, les oubliés, les gens modestes, chacun dans leur coin, vont créer des forces qui vont pouvoir arraisonner des géants qui sinon font la loi. Donc je pense que ce que propose Épicure, c'est une espèce de stratégie personnelle en disant « faites la même chose, vous. Moi, je ne peux pas faire la révolution tout seul, mais faites-la aussi, vous. Fabriquez des jardins. Faites des jardins nomades, c'est-à-dire des jardins qui circuleront avec vous. Et là où vous serez, faites une révolution. » Et si chacun... incarner ses idées, c'est-à-dire ne se contenter pas de les défendre verbalement, oralement, en disant « moi, je suis écologiste, par exemple. » Moi, j'ai très bien l'écologie, mais à ce moment-là, je veux que les écologistes vivent en écologistes. Quand je suis dans le même avion qu'un responsable de l'écologie française, je me dis « mais voilà des gens qui râlent contre la trace carbone et qui nous expliquent que, etc. Ben, » on ne prend plus l'avion, on se débrouille. Hein. Je veux dire, on n'est pas obligé d'être contre la trace carbone, mais si on est contre, alors on est obligé d'éviter... la multiplication de ses propres traces carbone. Ça me paraît évident. On a le droit d'être ce qu'on veut, communiste, catholique, chrétien, marxiste, bouddhiste, tout ce qu'on veut. Mais il y a un principe de cohérence. Il faut demander à celui qui défend une vision du monde, par exemple la vision écologiste, de vivre cette vision du monde, plutôt que de dire « oui, mais on attend qu'un jour, on ait un président de la République écologiste qui lui imposera d'en haut ce genre de choses ». Ben non. Si déjà tous les écologistes vivaient l'écologie, si les chrétiens vivaient tous leur christianisme, si les communistes partageaient tous, si les socialistes étaient tous solidaires, déjà, en n'attendant pas que le pouvoir soit incarné par un socialiste, un écologiste, vous vous rendez compte de l'humanité dans laquelle on vivrait ? Ce serait le paradis. Ce serait le paradis si chacun mettait en acte les idées qui sont les siennes, on constituerait, là, pour le coup, avec des petites politiques, une grande politique. Donc je ne trouve pas déraisonnable d'imaginer que l'utopie d'aujourd'hui puisse être l'utopie d'un principe de Gulliver, que Épicure nous aurait donné la voie, qu'il nous aurait indiqué les modalités de fonctionnement en disant à chacun « fais-la ta révolution ». Tu n'es pas obligé d'y croire, mais si tu y crois, tu es obligé de la faire. Et à ce moment-là, effectivement, il y a des micro-résistances qui peuvent s'organiser. Et de même pour les micro-rébellions. On peut très bien imaginer qu'on ne va pas forcément attendre que le type renonce à sa bière et à son match de foot, mais on peut lui faire savoir ce soir-là qu'il y a une vaisselle à faire et que soit aussi, quand on est femme, on a envie de regarder peut-être du foot, mais pas forcément, et qu'on peut, ici et maintenant, réaliser du féminisme. Incarner du féminisme, c'est-à-dire faire reculer la misogynie, faire reculer la phallocratie, pas seulement demain, après-demain. Vous verrez, avec la conclusion du deuxième sexe, il y a cette idée qui est une concession à son temps, où Simone de Beauvoir dit « oui, mais les révolutions socialistes accéléreront le processus de libération des femmes ». Concession faite au temps, le reste du texte dit le contraire. Je pense que si on s'empare de ces idées pour les incarner, pour les vivre, c'est pourquoi je crois à la philosophie incarnée et je crois à la biographie, eh bien, à ce moment-là, on voit que les propositions d'Épicure sont plus que jamais d'actualité. Plus que jamais d'actualité. Dans un monde où les grandes politiques s'avèrent être des grandes fictions, dans un monde où les grands récits ont disparu, dans un monde où on a cessé de croire qu'il suffisait de faire ceci pour qu'on obtienne cela. Donc il faut arrêter de croire qu'il y a le bien, qu'il y a le mal, qu'il y a des gens qui font bien, puis qu'il y a des gens qui font mal, et puis qu'il y a des gens qui, quand ils sont au pouvoir, font tout le temps mal, puis des gens qui, quand ils arrivent au pouvoir, font tout le temps bien, et qui, etc., etc. On peut aussi dire, mais après tout, la consommation, c'est nous. C'est nous. C'est pas seulement des affaires générales comme ça, des bourses qui seraient ici ou là. On a un pouvoir formidable, nous, les consommateurs. On a un pouvoir formidable. On peut organiser des boycotts. On peut aujourd'hui mettre en réseau des boycotts en disant « on n'achète pas ça ». Parce que ça, c'est produit dans des conditions qui ne nous vont pas. Des conditions éthiques qui ne nous vont pas. Voilà. Donc on se renseigne, on s'informe. Et si tout le monde disait, ben voilà, c'est tel produit, on ne l'achète plus. Ou on va boycotter tel supermarché parce que les marges que les distributeurs des supermarchés font en exploitant les paysans, c'est inadmissible. Plutôt que de dire, ben, je mets ma salade dans mon truc et puis je vais, parce que voilà, j'ai pas le temps, je mets... Non, on peut dire, on organise ça en disant, voilà, on n'achète pas ça. Vous allez voir qu'à ce moment-là, le petit peuple organisé, eh bien, ces micro-résistances vont pouvoir générer des macro-résistances et vont arraisonner le géant Gulliver. Et là, pour le coup, le grand distributeur, il va se dire, parce que là, quand on tape au portefeuille, il commence à entendre, il va se dire, bon, il faut qu'on fasse autrement, parce qu'effectivement, l'argent ne rentre plus dans les caisses. Donc je crois à des politiques concrètes, incarnées, pas idéales. Ça n'empêche pas l'idéal, hein. On peut avoir un idéal, évidemment, il faut un idéal. De fraternité, de solidarité, de partage, de communauté, il faut ces idéaux-là. Mais en même temps, il faut donner une formule concrète à ces idéaux-là. Et plutôt que d'attendre que ça nous vienne du ciel, que ça nous vienne d'un parti, que ça nous vienne d'un homme, j'allais dire présidentiel, providentiel, que ça vienne d'ailleurs, mais pas de nous, eh bien, je crois qu'il faut arrêter ça et se dire, si chacun déjà faisait ce qu'il croit bon, alors ça changerait déjà pas mal autour de soi. Faisons des révolutions moléculaires. C'est l'expression qu'utilisait Deleuze et Guattari, le molaire et le moléculaire. Nous sommes condamnés aujourd'hui au moléculaire. On ne peut pas aujourd'hui dire, c'est tromper son monde que de dire « yaka, il faudrait, je vais faire ceci, je vais faire cela », et puis de dire « je vais infléchir les marchés, c'est pas possible ». En revanche, nous pouvons les infléchir. Nous pouvons acheter ceci et pas cela. Nous pouvons consommer comme ceci et comme cela. On peut aujourd'hui organiser des coopératives. On peut mutualiser. On peut, je le dis souvent, mais travailler avec des paysans en disant mais on va économiser les gens qui vont vous prendre des légumes, qui vont vous les installer ici et qui vont prendre la marge la plus grosse du prix final, du prix d'achat, en disant ben non, on va faire l'économie de ces gens-là. C'est la grande thèse de la Boétie. Et quand la Boétie, qui me paraît être le plus grand philosophe politique qu'on ait jamais eu, du moins les libertaires peuvent le considérer comme l'un des leurs, c'est l'anti-Machiavel. C'est l'anti-Machiavel. C'est extrêmement simple la Boétie. Petit texte génial, écrit quand il avait probablement 17 ans, enfin c'est le Rimbaud de la philosophie politique. La Boétie dit « Le pouvoir n'existe que parce que ceux sur lesquels il s'exerce y consentent. » Le pouvoir n'existe que parce que ceux sur lesquels il s'exerce y consentent. N'y consentez plus, il n'y a plus de pouvoir. La mécanique du pouvoir, elle est extrêmement simple. Il ne faut pas râler en disant « ça vient du haut, on n'y peut rien ». Il faut juste dire « on n'en veut pas ». C'est se rebeller, c'est se révolter. C'est le principe de la résistance. C'est ce que font les résistants. Ils disent non, ça ne passera pas par nous. On a un sens de l'honneur, on ne dira pas oui à ça, on ne se laissera pas faire. C'est le principe un peu de Stéphane Hessel sur la question de l'indignation, même si ça peut être un peu court ou tout ce qu'on voudra, mais le principe de l'indignation qui consiste à dire « on sait, on n'en veut pas, on ne veut pas ». Et cette mécanique proposée par la Boétie, de ce qu'il appelle la servitude volontaire, il dit « il n'y a que de la servitude volontaire ». La servitude, elle n'existe que parce que vous y consentez. Il dit « soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libre ». Soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libre. On ne peut rien faire contre quelqu'un qui dit non. On ne peut rien faire, on peut faire moins de choses contre quelqu'un qui dit non, mais quand c'est 2, 3, 10, 100, etc., on ne peut rien faire. Vous ne pouvez rien faire contre un peuple qui a décidé qu'il dira non parce qu'il n'en veut plus de ce pouvoir, de cet homme qui incarne le pouvoir ou de ce genre de choses. Et loin de croire que la solution épicurienne, elle soit caduque, limitée, qu'elle soit impossible à pratiquer, je pense qu'elle est la seule solution possible aujourd'hui quand on a vraiment envie de changer les choses. Et quand on me dit « pourquoi vous ne faites pas de politique ?» etc., j'en fais tout le temps. Je dis « j'en fais tout le temps ». L'université populaire, c'est une micro-résistance. Et les amis de l'université populaire, la vingtaine d'amis qui constituent, qui enseignent, Jean Lambertville, avec son théâtre, qu'il nous met à disposition, etc., c'est une micro-résistance. C'est une façon de faire de la politique. Et chacun dans son couple, dans sa vie, dans ses relations à ses enfants, dans ses relations à ses collègues de travail, dans ses relations à ses voisins, dans ses relations aux gens qu'il ne rencontrera qu'une fois, parce que c'est dans un compartiment de train, parce que c'est dans un wagon ici, là ou ailleurs, parce que c'est dans une salle d'attente de médecin, parce que c'est dans une file d'attente chez un commerçant ou je ne sais quoi. Elle est là, la politique. Et la politique, on peut la faire tout de suite, ici et maintenant. On peut être libertaire dans l'aventure en disant « voilà, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça qu'on fait, etc. » On a perdu, disait Nizan, on a perdu le sens concret, le sens du concret, le sens du réel. Et on fait de la politique avec des idées, on fait de la politique avec des concepts, on fait de la politique avec des grands débats, des grandes idées, etc. La politique, c'est pas ça. Les gens, ils veulent juste vivre tranquille, ils veulent de la dignité, ils veulent du pouvoir d'achat, ils veulent pouvoir consommer, ils veulent qu'on les laisse tranquilles, ils veulent pouvoir être soignés, ils veulent pouvoir envoyer leurs enfants à l'école, ils ont pas envie de progrès ou d'incarnation de la raison dans l'histoire, ils s'en foutent. Les gens, ils n'ont pas envie que l'esprit absolu se manifeste plutôt chez l'un que chez l'autre. Ce n'est pas leur problème. Ils n'ont pas pensé le réel comme ça. Ils ont juste envie que cette petite existence qui est la leur, entre deux éternités de néant, cette petite existence, elle soit consacrée à trimer, à souffrir, à être malheureux, à être malade, à se mettre sur la figure, etc. Donc c'est simple, la politique concrète. C'est simple, la micro-résistance. C'est simple, le principe de Gulliver. Et la raison, elle en est donnée par Épicure. Je pense que ce que nous savons, parce qu'on en sait peu, hein, mais ce que nous savons du jardin d'Épicure, du fonctionnement du jardin d'Épicure dans cette Grèce-là, à cette époque-là, c'est une espèce de schéma. C'est-à-dire un schéma transcendantal, hein, parce qu'on reste très conscient dans cette aventure, mais une espèce de machine de guerre, disons-le plutôt comme ça. Une machine de guerre, un genre de cheval de Troie que nous pouvons toujours construire. Pas comme ça pour faire la même chose, ça n'a pas de sens, mais chacun, en bricolant dans son petit garage métaphysique, de se fabriquer comme ça une espèce de cheval de Troie en disant « je le lance dans cette aventure et si je ne suis pas libéral, on peut l'être, hein, mais si je ne suis pas libéral, le libéralisme ne passera pas par moi ». Et ce sont des actions qui, associées, vont finir par provoquer des révolutions par capillarité. Je crois aux révolutions immanentes, horizontales, par capillarité. Pourquoi je suis proudhonien, et je ne crois pas aux révolutions qui tombent du ciel, la plupart du temps, comme une lame de guillotine. Enfin, je m'arrête là, par exemple, pour cette question. Oui. Je voudrais quand même revenir à Épicure. Il y a quand même véritablement entre Épicure, vu par Paul Nizan, Camus, et j'allais dire, mais je ne veux pas être flatteur, Michel Onfray, un philhomme. Tous les trois sont fils du peuple. Il y a quand même une force qui doit passer, et vous êtes l'héritier de Camus et de Épicure. Non. Non, il faut raison garder. Enfin, oubliez-moi, mais je pense que, de fait, les origines sociales des philosophes, c'est quelque chose qui n'a jamais été abordé. C'est-à-dire, sociologiquement, on a jamais essayé de savoir qui venait d'où, qui avait produit quoi et quel type de pensée. Pas étonnant si Politzer et Nizan ont ces origines sociales, bien sûr, et si d'autres, oui. Mais donc, c'est important, bien sûr, de voir l'origine sociale. Ceci dit, ça ne suffit pas. Vous avez des, je ne vais pas utiliser le mot traître, mais des gens infidèles. Et puis vous avez des gens qui peuvent venir de la grande bourgeoisie, parce que là aussi, il faut arrêter de penser en termes militants avec des œillères militantes, mais on peut venir de la bourgeoisie et avoir le souci du peuple. Et puis on peut venir du peuple et surtout n'en pas avoir le souci parce qu'on a envie de sortir de ce milieu-là aussi. Donc c'est pas aussi simple que ça. La question là, c'est la question de la fidélité ou la question de l'infidélité. C'est pas la question de l'origine sociale, c'est la question de la fidélité à l'origine sociale. Camus l'a été et fidèle à son origine sociale. Je pense qu'Épicure aussi. Contrairement à ce que dit monsieur, c'est pas la solution d'Épicure. Elle n'est pas individualiste au sens petit bourgeois du terme. Elle est communautaire. Quand on fait une communauté, ça se fait toujours avec une somme d'individualité. C'est une vérité de la Palisse, mais ceci dit, l'individualisme, on y est tous condamnés, y compris les militants qui défendent le communisme. Chacun y va de son individualité parce qu'il en va de l'ontologie. On est enfermé dans sa petite personne et dans sa petite vie et dans sa petite œuvre. Mais ce que disait Nizan, effectivement, sur le personnel philosophique, est intéressant. D'où viennent les gens qui, aujourd'hui, s'occupent de philosophie, font de la philosophie, défendent la vision aujourd'hui qui paraît indépassable, toujours cette chose-là, la droite, la gauche, le bien, le mal, avec ces idées, que, etc., etc. Enfin, la soupe qu'on nous présente habituellement, en nous disant que l'horizon indépassable aujourd'hui, c'est l'Europe, c'est l'euro, etc., jusqu'à ce qu'on découvre que ça marche peut-être pas aussi bien que ça. Mais c'est pour ça que le film, là, Les Nouveaux Chiens de Garde, est mal construit, mal bidouillé, etc., mais bien fait en même temps. C'est-à-dire qu'il y a ça qui est bien montré, c'est-à-dire ce petit monde d'une élite qui maintient le monde comme il est, qui s'autoproduit, s'autoreproduit, s'invite, etc. Enfin, ça, c'est toujours évident. Ça fonctionne toujours. Et si on veut sortir de tous ces schémas-là, parce que ce sont des schémas qui nous empêchent de penser, je disais la droite, la gauche, Dieu, pas Dieu, etc., les athées, c'est toujours bien, et puis les croyants, c'est toujours nul. C'est pas vrai, ça marche pas comme ça. Il faut être plus subtil que ça. Et il faut, justement, faire de l'histoire, regarder ce que l'histoire nous enseigne, et donc l'idée que venir du peuple, ce serait toujours bien, et n'en pas venir, ce serait toujours mal, c'est pas complètement vrai. C'est une situation, le peuple, qui nous apprend des choses, la misère, la pauvreté, pas de vacances, pas de je sais pas quoi, enfin rien, quoi. Pas d'argent dans les porte-monnaies, pas de viande, parce qu'on n'a pas les moyens, ce genre de choses. Ça apprend un certain nombre de choses, mais on peut aussi dire, ça, j'ai tourné le dos à ça, je veux plus m'en souvenir. C'est fini pour moi, donc l'affaire est réglée. Puis on peut aussi dire, je n'oublierai jamais. Et Camus dit, je n'oublierai jamais. Et quand il écrit le premier homme, c'est une façon de dire, vous m'avez insulté, vous m'avez méprisé, vous m'avez traité de philosophe, des petits blancs, des colons, etc. Eh bien, voilà d'où je viens et voilà quelle est ma fidélité. Il est mort, il n'a pas eu le temps d'aller jusqu'au bout. Normalement, il prévoyait 2 volumes. Lisez le premier homme, c'est magnifique. Mais on voit comment se construit une fidélité. Donc oui, vous avez raison, l'origine sociale est importante, mais elle n'est pas déterminante. Ce qui est déterminant, c'est la fidélité ou l'infidélité. Voilà, rendez-vous la semaine prochaine. Merci. C'était « Contre-histoire de la philosophie » de Michel Onfray. Prise de son Pascal René, France Bleu Basse Normandie. Collaboration technique, Centre dramatique national de Normandie. Réalisation, Véronique Villa. Lundi, un cartésianisme bolchevique.